Allô, prêtez-moi vos oreilles, s'il vous plaît. On va poursuivre avec la présentation avant le dîner. Ok. Bon, je m'appelle Thomas Paul. Je suis étudiant doctorant à l'Université Laval. Je suis venu vous présenter les données de notre projet aujourd'hui, le projet SOA. Il parle de la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone. Contrairement à tout ce que j'ai présenté ce matin, je ne me trouve pas du côté du code, quoi, des données ouvertes, mais plutôt du côté des utilisateurs. Avec toute la mouvance qui existe aujourd'hui avec le libre accès, le mouvement des communs dans la recherche, où on privilégie les données ouvertes au niveau de la recherche, au niveau de la communication scientifique. Ceci pour booster l'évolution de la connaissance. Et ça, c'est donc un projet qui a été financé par le CERDI du Canada pour justement faire avancer l'état des connaissances en Afrique et en Afrique francophone et en Haïti. Alors, dans le cadre de ce projet, nous avons mené une vaste enquête dans tous ces territoires-là pour essayer de comprendre les obstacles à l'adoption du libre accès et de la science ouverte dans ces pays-là. Donc, on a eu à peu près 880 répondants de tous les niveaux universitaires, des titulaires de doctorat jusqu'aux étudiants des licences, pour un questionnaire que nous avons mis en ligne et qui faisait à peu près une trentaine de pages, un questionnaire d'à peu près 36 questions aussi. Alors nous avons obtenu des données, une énorme base de données que nous avons gardée sous Excel, nous avons transformé en fichier Excel. Et vous êtes tout à fait d'accord avec nous qu'on ne pouvait pas, nous l'équipe du projet, traiter ces données-là comme il se devait, parce que étant composé de plusieurs fils de recherche, plusieurs champs de recherche et tout et tout. Donc, on s'est dit qu'il fallait mettre ces données-là en libre accès, disponibles, pour que toute la communauté internationale puisse les utiliser. Heureusement, il y a, vous avez parlé de l'Europe au début, une plateforme européenne qui permet d'accueillir et de partager ces données-là dans toute la communauté scientifique. C'est dans cette base de données, cette plateforme-ci, que nous avons sauvegardé les Zenodo. Zenodo, c'est une plateforme de l'Union européenne qui est hébergée au niveau du CERN. Donc c'est là que nous avons sauvegardé ces données. Ces données sont ouvertes. C'est une enquête que nous avons menée pour faciliter. C'est un peu comme le génome, l'ADN. Le séquençage de l'ADN se fait partout dans le monde, c'est disponible. Tout scientifique qui veut travailler dessus n'a qu'à aller sur la plateforme et récupérer la séquence de gènes sur laquelle il veut travailler. C'est la même chose que nous avons fait ici. Nos données sont disponibles sur Zenodo. Donc toute personne intéressée, qu'elle soit en Europe, en Australie, en Afrique, intéressée sur la problématique de l'adoption du libre accès en Afrique, peut avoir accès à ces données-là sur la plateforme Zenodo. Il y a d'autres plateformes qui existent pour la divulgation des données ouvertes dans le monde de la recherche. Je pense à Figshare qui fait beaucoup de publicité ces derniers temps, qui existe aussi et qui est très bien, mais nous avons opté pour Zenodo. Quand vous arrivez sur cette plateforme-là, vous n'avez qu'à cliquer sur titulaire de doctorat par exemple, et vous aurez accès à toutes les réponses. Donc, si vous cliquez, vous allez tomber par exemple sur ce tableau. Ça, ce n'est qu'une capture d'écran que j'ai eu à faire, mais c'est toute une très grande base de données. Donc, à chaque scientifique, à chaque chercheur, d'exploiter les données en fonction de son angle de recherche, en fonction de ses intérêts. Les plateformes sont disponibles, les données sont disponibles pour tout le monde. Il n'y a pas de mot de passe pour y accéder ou quoi que ce soit. Donc, quelques exemples. Ça, c'est une Sud-Africaine qui s'est intéressée à savoir si les doctorants africains et haïtiens savaient ce que c'est que les Massive Open Online Courses. Donc, elle a essayé de nous envoyer des résultats. Ça, c'est un autre qui s'est intéressé à faire une comparaison entre Haïti et et le Togo sur les obstacles nécessaires, les éléments nécessaires pour vaincre les obstacles à l'obtention de la maîtrise. Donc ce sont des exemples comme ça, c'est juste ça que je voulais vous présenter. Et bien sûr, la présentation sur Elastic Recherche m'a beaucoup intéressé parce qu'il y a beaucoup d'applications qui peuvent permettre au projet SOA de mettre beaucoup plus en valeur ses résultats. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire en 10 minutes, je crois. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions ou quelque chose d'autre, je peux répondre. Mais n'oubliez pas que je me retrouve plutôt de l'autre façade de l'Open. On est là pour réunir les différentes façades. Et les producteurs, les consommateurs, puis entre les deux, il y a les programmeurs qui roulent tout ça ensemble. Hein, puis on peut dire, François, que sans quelqu'un qui sait ce qu'il veut, nous autres, les informaticiens, on ne sert à rien. Alors, c'est un très beau projet. Je télécharge tes données, on regardera ça tantôt. Super. Merci. Merci.